Oslo de Ville présente. Une étoile dans la gorge. Welcome to the Attention, mon couteau perce ton âme. Écoute, quel que soit ton nom, membre de la tribu des loups, écoute, je broierai ta salive dans la terre. Écoute, je couvrirai tes os de silex noir. Écoute, je couvrirai tes os de plumes noires. Écoute, je couvrirai tes os de cailloux noirs parce que tu vas vers le vide. Cercueil noir sur la colline. Écoute, la terre noire te cachera, te fera une hutte noire, là où il fait sombre, dans cette contrée. Écoute, j'apporte une boîte pour tes os, une boîte noire, une tombe de galets noirs. Écoute, ton âme se répand. Écoute, elle est bleue. Thank you. Il y a eu ce moment précis où elle a crié. Je m'en souviens parce que je l'observais à la dérobée depuis un moment déjà à cette terrasse de café. J'étais sans doute la seule. Personne ne semblait prêter attention à elle, ou plutôt prenait grand soin de l'éviter. Il y avait sur le sol comme une ligne de démarcation imperceptible, mais tenace et infranchissable. Il y avait elle, et il y avait le monde. Les lignes étaient tracées pour ne plus se rejoindre. Alors elle était là, mais de l'autre côté, à l'extérieur, hors cadre, comme assignée à résidence. Elle en a eu assez, elle a crié. Elle leur a demandé d'arrêter ça, cette forme d'indifférence violente qui finissait par la rendre invisible à ses propres yeux. Cette chose qui la rendait encore plus honteuse d'elle-même. Être là, sur le trottoir, sans espace et sans voix. Se sentir comme une boule de merde qu'on écrase, à force de silence. Elle a crié, mais personne n'entendait. Parce que personne ne voulait entendre, ou ne parvenait plus à entendre. Elle a crié pour que résonne le son de sa voix encore une fois. Elle a crié pour matérialiser sa propre existence, ou accrocher juste un regard. Elle a crié pour que quelque chose se fixe, pour essayer de vivre encore un peu avec les autres, pour ne pas être recouverte et ensevelie par son propre souffle, sans retour ni écho. Elle a crié pour ne pas être engloutie, aspirée par le vide de sa non-existence. Elle a crié pour tenter de se dégager de ce brouillard opaque comme la nuit, où s'effacent les couleurs, se dissolvent les parfums, se perdent les sensations. Ne reste que la peur, la fatigue, l'inconfort, la faim, ou bien le froid, et souvent le chagrin. Elle a crié pour sentir dans son corps la chaleur et ne plus disparaître sous leurs pas. Mais c'était comme une chute silencieuse, un glissement progressif. Elle a crié juste une fois, puis s'est tue, puisque rien n'est venu. S'est recroquevillée un peu plus dans la marge, sans espace et sans voix. Ils ont continué d'aller et de venir comme si elle n'avait jamais existé, comme si rien ne s'était passé. Comme s'ils avaient peur, en franchissant cette ligne, de tomber à leur tour. Son cri a résonné longtemps à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas bougé. Tenté de me replonger dans mon bouquin, mais sans y parvenir. Alors j'ai écrit ça, puisque je n'ai pas bougé, même si j'ai vu et entendu. Que j'ignore son nom et ne connais pas son histoire. How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army. Kamikaze. Yeah. Au début, j'avais promis de me taire. Mais plus tard, au matin, je vous ai vu sortir avec des sacs de cendres devant les portes et la répandre, comme on sème le blé. N'y tenant plus, j'ai crié. Que faites-vous ? Que faites-vous ? C'est pour vous que j'ai neigé toute la nuit sur la ville. C'est pour vous que j'ai blanchi chaque chose toute la nuit. Oh, si vous pouviez comprendre comme il est difficile de neiger. Hier soir, à peine étiez-vous couché que j'ai bondi dans l'espace. Il y faisait sombre et froid. Il me fallait voler jusqu'au point unique où le vide fait tournoyer les soleils et les étains, tandis que je devais palpiter encore un instant dans ce coin afin de revenir, neigeant parmi vous. Le moindre flocon, je l'ai surveillé, pesé, éprouvé, pétri, fait briller du regard. Et maintenant, je tombe de sommeil et de fatigue, et j'ai la fièvre. Je vous regarde répandre la poussière du feu mort sur mon blanc travail et, souriant, je vous annonce. Des neiges bien plus grandes viendront après moi, et il neigera sur vous tout le blanc du monde. Essayez dès à présent de comprendre cette loi. Des neiges gigantesques viendront après nous, et vous n'aurez pas assez de cendres. Et même les tout petits enfants apprendront à neiger. Et le blanc recouvrira vos piètres tentatives à le nier. Et la terre entrera dans le tourbillon des étoiles, comme un astre brûlant de neige. In the days when I was a teenager, before I had status and before I had a pager, you can find the abstract listening to hip hop. My pops used to say it reminded him of bebop. I said, well, daddy, don't you know that things go in cycles? Way the Bobby Brown is just amping like Michael. It's all expected, things are for the looking. If you got the money, Quest is for the booking. Come on, everybody, let's get with the fly mode. Still got room on the truckload of black gold. Listen to the rhyme to get a mental picture of this black man, black woman picture. Why do I say that? Cause I gotta speak the truth, man. Doing what we feel for the music is the proof. And planet on the ground, the act is so together. Bonafide strong, you need leverage to sever. The unit, yes, the unit, yes, the unit called the Jazz is delivering each year an LP filled with street goods. You can find it on your rack in your record store. If you get the records, hey, your thoughts are adored and appreciated. Cause we're ever so glad we made it. We worked hard, so we gotta thank God. Dishing out the plastic, do the dance till you're spastic. If you diss, it gets drastic. Listen to the rhyme, cause it's time to make gravy. If it moves your booty, then shake, shake it, baby. All the way to Africa, aka the motherland. Stick out the left, then I'll ask for the other hand. That's the right hand, black man. Only if you are noted as my man. If I get the credit, then I think I deserve it. If you fake news, go fix your mouth to word it. Get in the zone of positivity, not negativity, cause we gotta strive for longevity. If you botch up, what's in that? What? A pair of Nike size 10 and a half. Come on, Pierre. We gotta make moves. Never, ever, ever. Of the rocks, musically the quest is on the rise. We own these excursions, so you must realize that continually I'll pop my Zulu. If you don't like it, get off the Zulu tip. So what can you do in the times which exist? You can't fake moves on your brother or your sis, but if your sis is a brother is a jerk, leave them both alone and continue with your work. Whatever it may be in today's society, everything is fair, at least that's how it seems to me. You must be honest and true to the next. Don't be phony and expect one not to flex. Especially if you rhyme, you have to live by the pen. Your man is your man, then treat him like your friend. All it is the code of the streets. So listen to the knowledge being dropped over beats. Beats that are hard, beats that are funky. It could get you hooked like a crackhead junkie. What you gotta do is know the tribe is in the sphere. The abstract poet prominent like Shakespeare. Edgar Allan Poe, you don't stop. d'ici à ce que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on couche avec les étoiles. Il y en aura eu des fêtes données en l'honneur d'Apocalypse, de pages écrites et de carnets de voyage, d'enchaînements de vases et de pots à fleurs offerts à des amoureuses arrivées par le train, reparties dans les airs un jour. Seulement comme ça, sans prévenir, un coup de poignard dans la terre, sentir la lame au cœur d'un voyage en solitaire, prisonnier des racines aux langues merveilleuses. C'est pour cela que tout reste à faire, à tisser du mieux possible la toile des nerfs avec la bile des cieux, à réunir et à montrer ce que la pluie nous dit à faune. Dreamt of your arms just before sunrise. They were round another guy. Tears I don't mind, the pain's inside. So why am I so sad? Such a loser these days. By the times they are a-changing. Being such a loser these days. Think I'm gonna get myself drinking. Long and whining is the road to the bottle, and hard it is to swallow. Only one choice when you freeze in the bowels, one more beer to ease the sorrow. Such a loser these days, but the times they are a-changing. Being such a loser these days, think I'm gonna get myself drinking. Being such a loser but the times they are a-changing. Being such a loser these days. Le robinet en train de goûter agace le vieillard au lit. Il l'empêche de mourir en dehors du temps. Son rêve à lui, raconte-t-il aux infirmières. C'est toujours la même chose avec les hôpitaux. La soupe est tiède et les paroles des thermomètres enfilées dans l'anus disparues par la fenêtre. Si la musique dans les oreilles est là à le tenir vivant, les yeux grands ouverts à la lumière du néon, les frissons sous ses draps coupent. La peau rentre. Les notes inusables, parfaites, même après son départ. Les mélodies ont cela d'éternel. Elles couchent avec les morts. Taste the fire on your breath, and I want it in your storm so bad I could taste the lightning on your breath. I watched you hold the sun in your arms while he bled to death. Said every road is a good road, between the next road and your last road. Every love is your best love. And every love is your last love. And every kiss is a goodbye. Every kiss is a world is so De l'enfant que j'étais, il reste un peu de ce grain de beauté sur le côté de ma main, quasi effacé maintenant, quasi introuvable. Je le regardais, enfant, je ne le regarde plus. J'y voyais des Indiens danser, des loups. Je me disais, le jour où il sera blanc, je serai blanc moi aussi. Fini, terminé dans le verre, terminé dans le manège halluciné qui me rentrait par le rêve, qui me rentrait par tous les chemins de la vie, où je serai dans un ressac, ou dans le fond d'un océan sur le point de renaître, étoile de mer, méduse, que sais-je, bouffé par les anguilles vivaces ou peut-être hippocampe fragile dont la peau tendue sèche avec une telle lenteur dans le temps, dans les cordes. Tu retiendras le nom, dis-moi. Retiendras-tu le nom de ces choses effacées ? Thank you.